Chapitre 18e, Paris, siège de l'UNESCO, février. Pour obtenir le poste de directeur général de l'UNESCO, l'enjeu n'était pas mince. La succession du Suédois Malcolm Ekman était disputée. Longtemps, l'ancien premier ministre sunnite libanais, Halim Walid, avait été le grandissime favori. La candidature de Pablo Masnada, le représentant argentin au conseil exécutif, visait surtout à faire vivre la démocratie interne. Lorsque la jolie blonde Olga Gourina, de 35 ans seulement, déposa sa candidature, le choc fut d'autant plus rude que personne ne s'attendait à ce que la Russie briguât un poste aussi important dans une instance liée aux Nations Unies. Durant toute la première quinzaine de ce mois de février, qui suivit l'ouverture de la campagne officielle, Kozlov, sur les conseils de son éminence grise, le tacticien Sernine, demanda au Volkodlak d'analyser les rapports des forces internes. Ils en étaient venus à la conviction que, pour des raisons politiques et tactiques, la jeune ethnologue devrait être en mesure de terrasser les deux autres candidats. Suite à un premier sondage, Halim Walid et Olga Gourina étaient au coude à coude. Chaque équipe comprit que le combat allait être âpre. Dans une instance délaissée par les Américains et les Israéliens, après la reconnaissance de la Palestine, les Russes disposaient d'une liberté de manœuvre aussi large qu'exceptionnelle. Le grisonnant Kozlov, aux épaules tombantes, comptait bien s'engouffrer dans la brèche et profiter de la situation durant les 7 mois qui séparaient Olga Gourina de l'élection. Il commença par appeler le tacticien, le pas très grand Efrael Pierre Sernine, afin de finaliser l'opération. Pour la liaison avec le KGB et les agences de renseignement, Kozlov songea naturellement au Volkodlak attitré, son gendre, le grand et musculeux lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov. L'intervention ciblée du spécialiste des services secrets fut décisive lors de cette entrée en campagne. Il fit opportunément ressurgir une vidéo sans équivoque, exhumée par le Mossad israélien et transmise au KGB. Les images montraient Halim Walid en train d'inaugurer un centre culturel dans le nord du Liban, dans la ville de Minieh, en plein territoire sunnite. Il déclarait à cette occasion « Sachez que si je trouvais dans cette bibliothèque le moindre livre en hébreu, ou même la traduction arabe d'un auteur sioniste, je le brûlerai moi-même sur le champ et je mettrai le feu à ce bâtiment. » Le trouble étant jeté parmi le collège électoral de l'UNESCO, la délégation russe s'évertua dans la foulée à discréditer au jour le jour la notoriété du candidat soutenu par la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Organisation de la conférence islamique. En ce mois de février, Halim Walid pensait que cet argument, pas plus d'ailleurs que ceux utilisés à son encontre depuis le début, n'aurait d'impact sur l'électorat. Il se trompait, car Olga Gourina tenait là un thème de campagne qu'elle exploitait méthodiquement. « Nous ne devons pas oublier le legs des États fondateurs, les valeurs de l'UNESCO », clamait-elle. Ses amis Volkodlak lui conseillaient de ne pas rester dans l'invective, mais de se montrer constructive. Le ton était donné. Halim Walid laissait babiller cette blonde péronnelle. Il affichait l'arrogance des fats. Il se persuadait que la victoire ne pouvait lui échapper. « C'est au tour d'un candidat arabe de remporter le siège », répétait-il. Hélas aussi pour lui, le conseil exécutif était majoritairement féminin. Peu à peu, face aux machistes qui transpiraient des propos et de l'attitude du Libanais à l'endroit d'Olga Gourina, les femmes se solidarisèrent. La belle russe, toujours égale à elle-même, commença aussi à jouer cette carte auprès l'un de l'autre. Elle comptait la ressortir régulièrement tout au long des 2 trimestres qui précéderaient le passage devant les urnes. Après 1 mois de campagne, le ministre de la Culture argentin montra ses désaccords avec le candidat libanais, tant dans la forme, son mépris des femmes, que dans le fond, son sectarisme culturel. Il ne jeta pas l'éponge, mais concentra ses attaques sur Halim Walid au nom de la sauvegarde des valeurs morales et des idéaux de l'UNESCO qu'il présentait comme le véritable enjeu de l'élection. Cloué au pilori pour ses prises de position antisémites et anti-israéliennes, Halim Walid en appela à Kozlov, le vice-premier ministre envoyé par le président Popov qui signifiait ainsi tout l'intérêt qu'il portait à cette élection. Dans le cadre des tractations habituelles à toute campagne, le Libanais rencontra les Russes. Au cours de l'entretien qui réunit Olga Gourina, Pierre Sernine, Ivan Kuznetsov, l'ancien premier ministre sunnite libanais, confia à Kozlov « Vous ne pouvez pas faire le jeu des Américains. Cette croisade est orchestrée par les faucons de Washington et le lobby juif des États-Unis. Vous avez dénoncé la logique du clash des civilisations. C'est vous, les Russes, qui vous apprêtez à humilier le monde arabe et musulman. » Koslov se montra ferme. « Je ne veux pas entendre parler de croisade. Ce mot est inacceptable. Notre candidate défend l'idéal d'un monde multipolaire où chacun trouvera sa place dans le respect de l'autre. » Olga Gourina prit alors la parole. « Je ne m'aligne pas contre vous. Pourquoi devrions-nous être contre? Vous, Pablo Masnada et moi, nous nous présentons car nous représentons des sensibilités assez différentes. Nous ne sommes pas adversaires mais concurrents. Il est bon, dans une démocratie, que des idées se confrontent. Elles nourrissent le débat. Quand, en septembre, nous passerons tous trois devant les urnes, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Seules les questions que nous aurons soulevées et le respect mutuel qui aura présidé à l'éclosion des différents points de vue émis seront les gagnants. On n'est pas là pour se déchirer. » Le visage d'Ali Mouhalid se détendit. Un sourire vint poindre à la commissure des lèvres. Il avait crevé l'abcès. Il émit une crainte. « Dans la course que nous menons, je crains que la route soit une fois de plus barrée à mon courant culturel. Le monde arabe et musulman n'a jamais eu la chance d'accéder à la tête de l'UNESCO. Ce défi me rend fébrile. Pour dissiper mon angoisse, je me dis souvent, de toute façon, c'est écrit. » Koslov se risqua à un conseil. « Pourquoi ce fatalisme? Mieux vaut dire que le meilleur candidat gagne. » En cette fin février, la campagne était lancée. Olga Gourina avait de quoi s'occuper jusqu'à début septembre, date du scrutin.